Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Violette et Germaine Nozière, Histoire d'un pardon, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Christelle Alves-Mera et Anne-Claire Jolin, réalisée par Pascal Deune. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de Violette Nozière, victime d'un père incestueux et d'une mère qui ne voulait rien voir, ou jeune dépravée qui ment, vole de l'argent à ses parents pour rejoindre son amant. L'affaire Violette Nozière, dans le Paris des années 30, va passionner la France, mais révéler aussi ses fractures. Les uns, dont François Mauriac, sont convaincus que l'empoisonneuse est une sorcière de la débauche. Les autres, beaucoup moins nombreux, tels les surréalistes, feront de la jeune parisienne une égérie de la jeunesse en révolte. Elle deviendra leur ange noir. Un soir d'été de l'année 1933, à Paris, une famille ordinaire bascule dans le drame. Violette Nozière, âgée de 18 ans, empoisonne ses parents. Son père mourra, sa mère survivra. Violette Nozière, avec son regard noir, fiévreux, son col de fourrure et son béret incliné, comme la montrent ses photos qui font les unes de toute la presse, entre dans l'histoire des grandes affaires criminelles. Alors, qui est cette jeune femme, celle que la presse qualifie d'empoisonneuse, de monstre en jupon, de sorcière de la débauche, de parricide? Qui est cette femme que l'on arrête le 28 août 1933 dans le 7e arrondissement de Paris? Qui est cette femme qui commet le parricide, le crime des crimes, le tabou absolu pour lequel la loi prévoit un châtiment spécial? Le parricide sera conduit à l'échafaud, en chemise, pieds nus, un voile noir recouvrant sa tête. Si Violette échappe à la peine de mort, la justice restera sourde quand la jeune fille accusera son père d'inceste. Après la fiction, pour mieux comprendre ce procès, ce crime et la personnalité de cette femme, émancipée, noceuse, voleuse, menteuse, telle qu'elle fut décrite lors de son procès, nous recevrons Emmanuel Pierrat, avocat, auteur d'un livre court mais remarquable, sur deux histoires qui ont marqué le siècle dernier, l'affaire Nozière et l'affaire Grégory. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Violette et Germaine Nozière, Histoire d'un pardon, de Christelle Alves-Mera et Anne-Claire Jolin. Réalisation, Pascal Deux. ...28 novembre 1966. Je m'appelle Violette Nozière. Il y a 33 ans, j'ai tué mon père et empoisonné ma mère. Le 21 août 1933, j'ai commis ce sacrilège, ce geste contre nature qui me sépare depuis du reste de l'humanité. Aujourd'hui, alors qu'un cancer des os s'étend dans mon corps, c'est à mon tour de mourir. De quoi les gens se souviendront-ils? D'une fille qui flirte alors que son père gît dans son sang? Ou d'un mort accusé d'inceste? Se souviendront-ils de ces braves gens et de leurs mauvais enfants? Ou de la repentie auprès de sa chère petite maman? Mes paupières me tirent, mes articulations gonflées me brûlent. Mais je n'ai plus rien à craindre. Je suis déjà morte. Il y a 33 ans, je passais de l'autre côté. Mademoiselle Nozière, veuillez entrer. Le 1er septembre 1933, j'entre dans le bureau du directeur de l'hôpital Saint-Antoine avec le juge et mes deux défenseurs. Je me sens fébrile. 10 jours que je n'ai pas vu ma mère. Elle est là, assise dans un fauteuil, le visage pâle, appuyé contre un oreiller. Elle se remet à peine. Le docteur Paul veille sur elle. Je baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. Violette, Comment as-tu pu nous faire ça? Comment? Ne t'approche pas! Qu'elle ne s'approche pas! Maman, pardon! Jamais j'aurais cru! Tu as... Moi, c'est rien, mais papa! Elle a tué son père! C'est un monstre! Tu es un monstre! Pardon! Faites-la sortir, je veux pas la voir! Maman, pardon! Je ne veux pas t'entendre! Faites-la sortir, je vous dis, je veux pas la voir, elle n'existe plus! Oui, la tête. Docteur, aidez-moi à la relever. Mettez-la sans côté. Je voudrais être morte. Je voudrais être avec papa dans le petit cimetière de chez nous. Jamais je ne te pardonnerai. Jamais. Ah, calmez-vous, madame, je vous en prie. Voyez dans quel état se trouve votre fille. Monsieur le juge, l'accusé vient de faire une syncope. Je vous demande de bien vouloir interrompre l'entretien. Mon Dieu ne veut plus de nous. Je veux mourir. Je veux qu'on me laisse mourir. Mon corps sursaute à chaque imprécation haletante de ma mère comme sous les coups d'un fouet. Des larmes coulent sur mes joues sans que je puisse les retenir. S'infiltrent dans ma gorge. Je ne peux plus parler. Aujourd'hui, 15 septembre 1933, alors que l'affaire Nozière ne cesse de secouer la presse et d'émouvoir l'auditoire, nous apprenons que Germaine Nozière, mère de Violette Nozière, se porte partie civile contre sa fille. Elle n'est plus un simple témoin, mais oriente désormais l'enquête. C'est la parole de la mère contre celle de la fille. 19 novembre 1933. Mademoiselle Nozière, c'est dans cet appartement du 9 rue de Madagascar que vous avez empoisonné vos parents la nuit du 21 août 1933. Le jour d'après, dans la nuit, votre voisin, M. Mayol, a retrouvé votre père inanimé au sol et votre mère allongée dans son lit. M. Mayol et votre mère étant présents avec nous aujourd'hui, veuillez nous dire ce qu'il s'est passé. Quand je suis rentrée, j'ai allumé, là, dans l'entrée. J'ai ouvert le gaz dans la cuisine. J'ai attendu, puis je suis allée frapper chez Monsieur Mayol. Ensuite, en revenant dans l'appartement, j'ai découvert ma mère, évanouie, dans son lit, ici. Comme elle ment! C'est elle qui m'a mise là! Attendez, Madame Nozière, un instant. Monsieur Mayol, quand Violette est venue sonner chez vous, au milieu de la nuit, qu'avez-vous fait? Je suis rentré. Le robinet du gaz était ouvert. Je l'ai fermé, puis j'ai tiré le vasistas pour aérer. C'est là que j'ai vu Madame Germaine Nozière dans son lit. Elle avait le visage ensanglanté. Excusez-moi, madame. Après, vous savez, les pompiers sont arrivés, puis ils ont trouvé Monsieur Nozière. Madame Nozière, vous affirmez avoir été traînée au sol par votre fille dans la nuit du 21. C'est bien cela? Oui, monsieur le juge. Le 21 au soir, nous avons dîné tous les trois sur cette table que vous voyez là. Et à la fin du repas, elle nous a donné les cachets du docteur. Elle a dit qu'il fallait les prendre pour ne pas risquer d'attraper sa syphilis. Mais sur son sachet à elle, il y avait une croix, je me rappelle bien. Après, j'ai perdu la notion des choses, je suis tombée par terre, là, près de la table. Mais c'est elle qui m'a déshabillée et m'a tirée sur le lit alors que je bougeais plus. Violette, que dites-vous de la version de votre mère? Oui, c'est vrai. Après le dîner, nous avons pris les cachets. Mais ensuite, papa est allé dans la salle à manger pour préparer le lit pliant pour moi. C'est là qu'il est tombé. Alors, maman l'a aidé, elle l'a déshabillé, puis elle l'a couché dans mon lit avant de se mettre avec lui. Et moi, je suis allée m'allonger dans la chambre. N'importe quoi! C'est elle qui m'a tirée sur le lit et m'a pris mon argent dans la poche de la ceinture corset. Dis-leur que tu mens, dis-leur! Mademoiselle Nozière, avez-vous tiré votre mère pour la mettre dans son lit? Monsieur le juge, c'est impossible. Voyez mon gabarit, j'en serais bien incapable. Mais tout ça, elle l'a fait avec son complice. Croyez-moi, monsieur le juge, c'est son amant qui lui a refilé la syphilis et dicté de nous piller et dire que ça a coûté la vie à mon pauvre mari. Merci, madame Nozière, pour vos convictions. Agent Lignard, allongez-vous par terre, là. Bien, monsieur le juge. Oui, près de la table de la cuisine. Voilà, bien. Violette, je vous prie de soulever cette femme devant vous et de bien vouloir la traîner jusqu'au lit. Je ne comprends pas pourquoi vous me demandez ça. Nous ne vous demandons pas de comprendre. Très bien. Agent Lignard, vous pouvez vous relever. Je n'ai jamais fait ces gestes-là. Nous voulions juste voir si vous le pouviez. Nous sommes le 10 octobre 1934, plus d'un an après le crime qui a secoué la France. Devant la cour d'assises de la Seine, une foule de curieux se presse dans les galeries extérieures du palais de justice où je tente de me frayer un chemin pour pénétrer dans l'enceinte remplie d'avocats et d'élèves magistrats. Une cinquantaine de gardes républicains sont en charge de canaliser le public. La salle est bourrée à faire éclater les murs. J'arrive à me faufiler parmi les chroniqueurs et les photographes. Il est midi et demi et le moment de la comparution est arrivé. Les gardes font rentrer l'accusé. Le dos courbé et la démarche molle, Violette Nozière semble vaincue par la prison et marquée par la maladie. Violette Nozière, vous avez dans la soirée du lundi 21 août remis à vos parents une poudre à prendre avant de se coucher, tandis que vous-même vous en preniez une autre. Reconnaissez-vous les faits ? Oui, monsieur le président. Maintenez-vous les accusations d'inceste portées sur votre père ? Oui, monsieur le président. Pouvez-vous nous en dire plus ? Monsieur, je ne puis tout de même pas expliquer cela. Confirmez-vous vos propos sur les relations incestueuses dans le lit conjugal et au jardin ? Monsieur, je vous en prie. Greffier, apportez-moi les dessins. Monsieur, s'il vous plaît. Très bien. Alors, pourquoi avez-vous tué vos parents ? Je ne peux pas. Pardon. Faites venir le docteur. Celui-là, oui. Mademoiselle. Tenez, buvez. Peut-elle parler ? Je voudrais parler, mais c'est dur. Je voulais pas faire mourir ma mère, monsieur le président. Je pardonne. Qu'est-ce qu'elle dit ? Monsieur le président, elle demande pardon à tout le monde et surtout à sa mère. Elle dit qu'on lui donne ce qu'on voudra pourvu que sa mère lui pardonne. Ce jour-là, je suis capable de rien. Oui, ces mots, je les ai dit. Oui, j'ai avoué avoir agi ainsi vis-à-vis de mes parents, car depuis 6 ans, mon père abusait de moi. Oui, j'ai affirmé qu'à 12 ans, en l'absence de ma mère partie aux courses, mon père m'a embrassée sur la bouche, puis m'a fait des attouchements avec le doigt. Oui, il m'a prise pour la première fois un matin, alors que j'allais à son lit pour lui dire bonjour. Oui, j'ai parlé de la cabane du petit jardin près de la porte de Charenton. Oui, je me suis laissée faire. Oui, ce n'est que plus tard que j'ai compris l'horreur de la situation. Et ma mère, qui ne s'est jamais doutée de rien. Oui, j'ai dit tout cela lors de ma déposition. Mais là, devant tous, je ne sais plus parler. Une deuxième journée d'audience s'ouvre pour le procès Nozière. La mère et la fille sont face à face. Vont-elles continuer cette pénible tragédie antique, si peu comprise de nos mœurs modernes ? La mère va-t-elle réclamer châtiment à sa fille ? Et c'est une fois après avoir bu le sachet que j'ai été prise de maux de tête. Après, je suis tombée, je ne me souviens plus de rien. Merci, Madame Nozière. Accusée, avez-vous une question à poser ? Maman ! Maman, pardon ! Maman ! Violette ! Maman ! Maman, je t'en prie, pardon à Violette, mon enfant ! Monsieur le Président, pitié ! pitié pour mon enfant. Je vous en prie. Pitié, Violette. C'est un véritable coup de théâtre dans le procès de l'affaire Nozière. La mère de l'accusée, constituée partie civile depuis un an, vient de se désister. Les jurés se sont retirés. La délibération va bientôt nous être révélée. Et c'est dans ce climat de tension que d'autres voix s'élèvent. Après ses détracteurs, il y a celles qui soutiennent la vénéneuse. Monsieur le Président, en tant que femme du meilleur monde, je viens vous supplier de croire cette pauvre petite Violette. Je suis passée par la même chose, et cela me peine pour elle. Je viens vous dire qu'elle pourrait bien dire la vérité. Bien sûr, la chose est difficile à entendre et certainement... Il est malheureusement vrai qu'il existe des pères indignes. Des pères qui sont intimes des voisins, de leurs chefs, de tous ceux qui les connaissent. Ces hommes, ces pères portent une figure d'honnête homme, mais ce sont des monstres humains. Monsieur le Président... On peut les voir s'asseoir le dimanche à l'église. À 14 ans, avec leurs enfants au jardin. Mon père m'a rejoint dans mon lit, exhibant son sexe. Il se frottait. Et moi, je me faisais comme si je dormais. Quand je l'ai raconté, on m'a dépeinte comme une fille perverse, une menteuse. Et personne au monde n'a voulu croire à ma détresse. Mon père est passé, après comme avant, pour un brave homme. Quel calvaire que le mien! Cela m'a poursuivi toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai 58 ans. Mais ce souvenir me reste vivace, comme si c'était hier. Ces faits-là existent, monsieur le Président. Ils doivent être entendus. Nous sommes le 12 octobre 1934. Ce jour-là, je suis condamnée à mort. Heureusement, cela fait 50 ans que l'on ne guillotine plus les femmes. Grâce à Dieu et au président de la République, ma peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. J'échappe ainsi à la mort et je plonge dans le silence de la maison centrale où l'on m'affecte à l'atelier de confection de chemises. Monsieur le directeur de la centrale, je vais venir à Rennes le 23 janvier 1941 voir ma fille Violette. Je me permets la liberté de vous demander l'autorisation de lui apporter un colis de denrées alimentaires et de me faire savoir les aliments que vous me tolérez. Madame Germaine Nozière, comme suite à votre lettre du 9 de ce mois, je vous informe que vous pouvez apporter à votre fille, à titre exceptionnel, les aliments ci-après. Sucre, chocolat, beurre, orange, fruits secs et biscuits. J'ai de bonnes nouvelles. Ton avocat multiplie les démarches pour la réduction de ta peine. Ça avance. Dieu soit loué. Et Georgette, comment va-t-elle? Mieux. La fièvre est tombée. Elle se remet. Dis-lui que je prie bien pour elle. Si tu savais comme le Seigneur me fait du bien. Maman, il faut que je te dise... J'ai décidé de prendre le voile. Je veux rejoindre le couvent. Le couvent? Maman, tu pleures? Non, je veux pas te voir pleurer. Mais pourquoi le couvent? C'est le Seigneur, maman. Il est si bon. Et les sœurs de Béthanie, si tu les voyais, elles sont si charitables. C'est que j'espérais. Je ne veux pas être séparée de toi une deuxième fois. C'est mon devoir, Violette. La Sainte Vierge n'a pas quitté son fils. Elle l'a accompagné dans son calvaire et l'a aidé à porter sa croix. Tu comprends, Violette? Bien sûr. Autant mourir, sinon... Arrête! Ne dis pas de bêtises. pour ma mère, je me refuse à endosser le voile. L'année suivante, je quitte la lingerie pour me mettre au service de Monsieur Garnier, le greffier comptable de la maison centrale. C'est là que je rencontre Pierre, le fils du greffier, avec son visage avenant et son corps bâti en force. Depuis si longtemps, on ne m'avait pas regardé avec ces yeux-là, comme on regarde un être humain. Le 29 août 1945, mon dernier travail comptable consiste à établir le montant de mon propre pécule, 12 493 francs et 90 centimes. Le soir même, à minuit et en toute discrétion, je sors après 12 ans d'emprisonnement. Maman et Pierre m'attendent dehors. J'ai alors 30 ans. Germaine Hézard. Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Vous avez les actes de naissance? Oui. Tenez, le mien et celui de Pierre, mon futur mari. Ce n'est pas le même nom sur l'acte de naissance. Elle rentre à Paris, on ne veut pas d'elle ici. Oui, j'ai pris le nom de jeune fille de ma mère. Voici l'acte. Tenez. Très bien. Vous faites un contrat de mariage? Oui, le voici. Des témoins? Ma mère, mon oncle et le boulanger. Qu'elle rentre à Paris, on ne veut pas d'elle ici. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît. J'aurais besoin de leurs pièces d'identité. Oui, je les ai avec moi. Tenez. Votre adresse, c'est celle de votre mère, rue Saint-Antoine? Assassin! Les gens comme elle, faut les brûler. Ouais. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai payé. J'ai fait ma peine. Sa peine? Elle dit qu'elle a fait sa peine. C'est toi qui nous fais de la peine, oui. Sale empoisonneuse! Monsieur, je vous demande de sortir sur le champ ou j'appelle mon supérieur. Oh, c'est ça. Tu verras ton mariage. Ça sera un naufrage. Le 16 décembre 1946, nous changeons l'heure de la cérémonie et nous nous marions finalement sans heurts et en toute discrétion. Le 17 mars 1947, j'accouche de Michel. S'en suivront mes 4 fils. Il nous faut vivre, mais nous n'oublions pas. Personne ne veut oublier. Le cas Violette Nozière s'ouvre à nouveau. De la vie parricide à la mère de famille, la condamnée, qui a eu un comportement satisfaisant, ne veut pas subir toute sa vie les conséquences d'une faute passée. Sa demande de réhabilitation, appuyée par son infatigable défenseur André Breton, par sa mère dévouée et par son mari mourant, est pourtant rejetée ce 28 avril 1953. Les magistrats considèrent que le crime qu'elle a commis, il y a tout juste 20 ans, pèse plus lourd encore que son expiation. C'est pourquoi ils ont décidé de... Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dis! C'est Michel? Fais pas cette tête-là. J'ai fait du café. Assois-toi. Ma tension, c'est brûlant. Alors? Avec le rejet de ta demande, ça parle. La petite Michèle m'a dit qu'on l'avait embêtée à l'école. J'en étais sûre. Qui lui a dit? Le fils de l'épicier. Faut plus le voir. Il faut lui dire que c'est n'importe quoi. Et le professeur, il a dit quoi? Rien. Mais Violette, faut leur dire la vérité. Tes enfants doivent savoir. Hors de question. Pense à plus tard. Ils comprendront. Ils t'aiment tellement. Personne ne pourra les faire changer. Non, impossible. Je m'appelle Germaine Hézard et tout ça est derrière nous. Jamais ils ne sauront, jamais. Promets-moi. Promets-moi, maman. Je te promets. Le 22 août 1963, 10 ans après notre échange dans la cuisine, la cour prononce finalement ma réhabilitation. Pierre est mort depuis 3 ans déjà. Ce soir, le 28 novembre 1966, je ne sens plus mes os ni mes muscles, à peine le sang dans mes veines. Mon corps est léger. J'ai l'impression de flotter. De quoi les gens se souviendront-ils? Bientôt, je serai murée dans le silence de la mort. De l'autre côté, comme je l'ai toujours été. Violette et Germaine Nozière, Histoire d'un pardon, de Christelle Alves-Mera et Anne-Claire Jolin, avec Pauline Audepin, Valérie Moinet, Sabine Audepin, Mathieu Rochevarger, Othello Villegard, Jean Rieffel, Serge Noël, Yvon Martin, Christian Driot, Marie Verge, Béatrice Champagné, Yumi Fujimori, Renaud Bertin, Christina Crévillaine, Norbert Ferrer, Serge O'Sullivan Bolzet. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage, mixage, Marie Le Peintre, Sébastien Royer. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Pascal Deux. J'ai le souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, une longue nuit de silence, moi qui ne me souviens jamais. C'est drôle, j'ai gardé le secret de cette longue nuit sans lune. J'ai souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci. Une présence, soudain je me suis éveillée. Dans une demi-somnolence, c'était au dehors. On parlait à voix basse, comme un murmure, comme un sanglot étouffé. Au dehors, j'en étais sûre. J'ai souvenir qu'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci. Lourde de silence, j'allais à demi éveillée, longeant une allée obscure. J'allais à demi éveillée, guidée par l'étrange murmure. Il y eut, je me le rappelle, surgissant de l'allée obscure, il y eut un bruissement d'ailes là, tout contre ma figure. C'était au cœur de la nuit. C'était une forêt profonde, comme cette nuit, un bruit survenant d'outre-tombe. Qui es-tu pour me revenir? Quel est donc le mal qui t'enchaîne? Qui es-tu pour me revenir? Et veux-tu que vers toi je vienne? S'il le faut, j'irai encore tant et tant de nuits profondes, sans jamais revoir l'aurore, sans jamais revoir le monde. Pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur se repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes. J'ai le souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, froide et lourde de silence. Affaires sensibles, la fiction. Moi, j'avais lu un livre qui concernait Violette Nozière il y a 2 ans. Et Isabelle Huppert. C'était un personnage qui m'avait tout de suite accroché. C'est-à-dire que j'avais entendu parler de cette fille qui s'appelait Violette Nozière, qui avait tué son père et qui avait essayé de tuer sa mère à 18 ans. Et ces quelques renseignements que j'avais sur elle, comme ça, m'avait tout de suite... ça m'avait plu. J'ai, je pense, tout de suite aimé le personnage parce que je suis allée... tout de suite au-delà du côté monstrueux du personnage. C'est-à-dire que je ne me suis pas arrêtée à ce que ça avait d'apparemment monstrueux et à ce qu'avait révolté toute l'opinion publique au moment où c'est arrivé. Et je me disais bien qu'il y avait quelque chose par derrière, qu'il y avait certainement un revers de la médaille. Et ça, c'est l'aspect tragique, je crois, de cette histoire et du personnage de Violette. Je pense que c'est pour ça que Violette reste un personnage qu'on a du mal à expliquer et totalement mystérieux. Parce que même dans le film, d'ailleurs, je crois que la seule chose qui nous parvient, enfin, c'est l'aspect émergé de l'iceberg. Ce qui est visible, oui. Et en fait, on ne comprend pas bien ce qu'il y a par derrière ça. On ne comprend pas très bien. Fondamentalement, c'est un personnage silencieux, c'est-à-dire que finalement, elle tait l'essentiel. Parce qu'on aurait pu très bien imaginer qu'elle exprime progressivement la révolte qu'elle avait par rapport à ses parents, qu'elle avait par rapport à des choses qui la gênaient pour vivre. Or, elle n'exprime rien de tout ça. Et la seule façon dont elle s'exprime, c'est en tuant, finalement. Et en tuant, elle a tout dit. Ce qui me frappe dans le cas de Violette... Claude Chabrol. C'est la justesse de son diagnostic. C'était une fille qui ne pouvait plus vivre, qui avait vraiment une difficulté extraordinaire à vivre dans le milieu dans lequel elle vivait. Qui a fait un diagnostic difficile, c'est-à-dire de dire « il faut que je tue mon père », c'est quand même pas facile, et qui avait raison, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a tué son père, elle est devenue quelqu'un d'autre. Elle ne s'est pas trompée sur le diagnostic. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Violette et Germaine Nozière, Histoire d'un pardon, notre invité, Emmanuel Pira, avocat, auteur d'un livre sur 2 histoires qui ont marqué le siècle dernier, l'affaire Nozière donc, et l'affaire Grégory, 1934 d'un côté, 1993 de l'autre. Bonjour Emmanuel Pira. Bonjour Fabrice Tombel. Vous êtes avocat au barreau de Paris, écrivain, essayiste. Vous connaissez notre émission puisque nous avons eu le plaisir de vous accueillir pour une autre affaire sensible. C'était l'histoire de Florence Ray. Alors nous venons d'écouter ensemble cette archive dans laquelle Isabelle Huppert et Claude Chabrol parlent de cette affaire à travers le film qu'ils viennent de terminer, intitulé tout simplement Violette Nozière. Nous sommes en 1978. Alors c'est vrai que pour bon nombre de Français, Violette Nozière a le physique d'Isabelle Huppert, tant la puissance du jeu d'Isabelle Huppert, on n'en fait pas beaucoup comme ça, des actrices comme ça par siècle, est forte. Et puis ce qu'elle vient de dire aussi là dans l'archive avec Claude Chabrol, c'est extrêmement intelligent. Elle dit notamment Violette Nozière a tué l'essentiel, elle tait l'essentiel. C'est intéressant ça. Elle dit surtout, Isabelle Huppert, dans cette analyse extrêmement lucide du personnage et de l'histoire, que Violette Nozière est un personnage silencieux. elle tait non seulement l'histoire, elle ne finira par la dire que petit à petit, devant les policiers d'abord, et puis au procès, mais de façon très ténue, l'histoire de l'inceste dont elle est victime. Mais elle, c'est un personnage en apparence passif, et c'est un personnage qui en même temps a eu une vie extrêmement bouleversante et extrêmement passionnante. C'est un personnage de jeune fille révoltée, c'est un personnage très en avance sur son temps, de femme libérée, de jeune femme qui sort le soir, quand le soir du meurtre d'ailleurs, elle est, dit-elle, de retour à minuit chez ses parents, lorsqu'elle fait semblant de les trouver avec le gaz ouvert dans une tentative de suicide et qu'elle va alerter les voisins. Mais elle a, ce qu'on en retient au-delà du meurtre, du crime, de la dissimulation, c'est qu'elle sortait tous les soirs, et on est en 1933. Avec une jeune fille mineure. Et puis c'est les mensonges, entre guillemets, ou l'usurpation qu'elle fait auprès de ses camarades du lycée Fénelon, à qui elle ne dit pas qu'elle vient du quartier de Picpus, dans le 12e arrondissement, dans un milieu relativement très modeste, voire pauvre. Et elle s'invente un père riche, une vie fantasque. Il y a tout cela qui révèle aussi la condition des femmes, les années 30, ce que c'est avant même le droit de vote. Je ne parle même pas de l'ère post-MeToo que nous vivons, mais simplement une chape de plomb qui enferme les femmes jusqu'à au minimum la libération. Alors pour continuer à explorer cette archive qui vaut le détour, hein, Chabrol dit, elle fait le diagnostic parfait. Il faut tuer le père. Là aussi, c'est lucide, hein. C'est d'une grande lucidité, évidemment. Alors, en même temps, tuer le père, c'est, si on remet les choses en perspective, dans les années 30, et même après, au-delà, le crime absolu, le parricide. On parle d'ailleurs pas de maricide, hein. Elle tue son père et puis elle tentera de tuer sa mère, qui en réchappera et aura un discours très ambigu ensuite. On ne sait pas très bien si elle se positionne pour dénoncer son ex-mari ou si elle est là vraiment pour défendre sa fille ou pour l'accuser. En tout cas, il n'y a pas de maricide à l'époque. Le crime suprême, c'est le fait de tuer ses parents et c'est appelé le parricide. L'autre crime emblématique, ça sera évidemment l'infanticide. Vous m'avez parfaitement compris et devancé Fabrice Drouel. Mais pas l'inceste, justement. Mais pas l'inceste. L'inceste est quelque chose qui est tu, qui est silencieux, qui ne vient pas devant les cours d'assises, pas devant les tribunaux, qui fait partie des affaires de famille et qui, si tant est qu'on entende parler de cela, doit rester une affaire de famille. Et là, on voit que le décalage entre notre génération, celle du film d'Isabelle Huppert et Claude Chabrol, et puis ces fameuses années 30, avec ce silence qui s'abat sur l'inceste. Cela dit, sur l'inceste et la maltraitance à enfants, on a fait des progrès. Ben, pas tant que ça, parce qu'il y a encore cette idée selon laquelle la sphère publique ne doit pas intervenir dans les affaires familiales, et ça peut couvrir d'énormes drames. Encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Moi, je pense beaucoup, quand je relis et quand je raconte l'affaire Nozière, je pense à Jacqueline Sauvage, par exemple. Oui. Ce n'est pas l'inceste, mais c'est la violence conjugale. Exactement, à l'intérieur de la maison. C'est un huis clos. Exactement. Qui se déroule pendant des années et puis qui finit par un drame parce que ça n'est plus possible, parce qu'il y a un moment où ça explose et ça ne peut terminer que dans le sang et dans un geste de violence. Il y a cela chez Violette Nozière et ça sera beaucoup plus fort que dans l'affaire de Jacqueline Sauvage, dont je ne minimise pas du tout le cas. Simplement que devant la cour d'assises devant laquelle est jugée en 1934 Violette Nozière, chaque fois que ce débat sera un tout petit peu évoqué par les policiers qui ont cru et qui ont entendu ce que Violette Nozière leur disait sur l'inceste, sur les abus, sur les viols depuis l'âge de 12 ans par son père, chaque fois qu'elle voudra évoquer cela et que son avocat assez mauvais les tentera timidement d'en parler, le président de la cour d'assises considérera que ça n'est pas le débat. Ça n'est pas l'endroit où on doit le parler. Elle a tué son bourreau. Mais malgré tout, ce qu'elle lui a fait subir et son statut de victime ne lui est pas reconnu. La seule chose pour laquelle on la juge, c'est l'empoisonnement. Marqueur d'une époque. Quand même, avant de continuer à parler de Violette Nozière, puisque j'ai votre livre entre les mains, je me demande pourquoi. C'est très bien d'ailleurs, mais je me demande pourquoi. Dans le même livre, on a l'affaire Grégory qui remonte à 1993 et l'affaire Nozière qui remonte, elle, à 1934. En quoi ces deux affaires nous disent-elles finalement les mêmes choses à travers deux époques différentes? Alors c'est d'abord une série, une collection dans cette maison d'édition de poche qui est Point, qui appartient au Seuil, dans laquelle je raconte des séries de grands procès. On les couple, on les met par tandem parce qu'elles ont un sens. Et c'est le sens, le lien entre ces deux affaires, c'est évidemment les femmes dans une cour d'assises. C'est Christine Villemain qui a été mise en accusation, jugée, avant d'être reconnue innocente pour le meurtre qu'on lui imputait abominable de son fils, pour l'infanticide, donc le crime suprême avec le parricide, si je puis me permettre d'utiliser le mot suprême, et puis Violette Nozière. Pour moi, ce sont deux femmes qui sont face à un monde conçu par les hommes et tenu par les hommes. Alors certes, dans les années 80, lorsque Christine Villemin passe devant la cour d'assises et devant le juge d'instruction, les femmes, heureusement, ont le droit de vote, heureusement, sont magistrates, heureusement, sont avocates. Mais malgré tout, nous sommes dans un pouvoir à domination masculine très fort, dans lequel on juge la mère et non pas la personne. Et dans l'affaire Nozière, évidemment, elle sera jugée devant une cour d'assises. Une cour d'assises, c'est un jury populaire. Le jury populaire, on le choisit comment ? Toujours en France, à partir des électeurs et des listes électorales. En 1933-1934, qui tire-t-on au sort sur les listes électorales ? Forcément des hommes, puisque seuls les hommes ont le droit de vote. Donc c'est une femme face à 12 hommes, qui seront 3 magistrats professionnels et 9 citoyens masculins, une jeune femme mineure, extrêmement belle, il faut aussi le dire, aussi belle pour moi que Isabelle Huppert, parce qu'elle a quelque chose de charismatique et de magique dans sa beauté diaphane très particulière, malgré ses vêtements qui peuvent être un peu accrocheurs ou un peu étranges. Elle est très belle et elle se présente devant ce monde d'hommes qui ne jugent les femmes que comme étant des empoisonneuses, des infanticides, des parasites et jamais des victimes. Alors vous parliez de femmes modernes qui sortaient le soir, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de femmes dans les années 30. C'est pour cette raison-là, sorte d'égérie de la liberté que certains poètes comme Éluard ou Breton ont été émus par son histoire et l'ont soutenu et l'ont dit. Oui, ce qui est passionnant, c'est la bataille des intellectuels et des grands artistes autour de Violette Nozière. Elle devient l'égérie des surréalistes et surtout d'André Breton, qui en fera une sorte de muse. Elle devient l'équivalent de Nadia, quasiment, dans l'univers des surréalistes. Avec cette distinction que les anciens surréalistes comme Louis Aragon, qui eux sont passés au Parti communiste, ont un autre regard. Ils la trouvent pas romantique, ils la trouvent pas révolutionnaire, ils la trouvent pas formidablement sulfureuse. Louis Aragon dira, parce qu'il a quitté le surréalisme et qu'il est déjà dans la doctrine du Parti communiste dans les années 30, qui est pas nécessairement le plus ouvert d'esprit, qu'elle a été forcément manipulée par un enfant bourgeois qu'elle a rencontré ou la jeune bourgeoisie qu'elle fréquente au lycée Fénelon. Et forcément, là, elle devient une victime, mais une victime de la bourgeoisie et non pas une victime de l'inceste. Alors qu'elle est évidemment victime de l'inceste. Et de l'autre côté de la barre, il y aura les grands écrivains de droite catholique, dont François Mauriac, qui y verra l'abomination, le parricide, la manipulation, l'intrigue, la volonté de capter l'héritage, puisque c'est ce dont on l'accuse. On l'accuse de deux choses. On lui dit « Vous avez voulu avoir une vie dissolue et vous affranchir de la tutelle parentale, et vous avez voulu, par la même occasion, remporter le magot qui est celui de l'héritage, en tuant ceux qui pouvaient... Donc préméditation, perversité, tout y est. Tout, la machination, la préméditation, ce qu'on appellera donc l'homicide, c'est-à-dire la préparation en droit français, ce qui distingue du meurtre qui peut arriver par accident. Et puis il y aura enfin, l'autre bout, à l'extrême bout de l'échiquier littéraire et politique, Brasillac, à l'extrême droite, qui là ne lui fera aucun cadeau et la considérera comme le mal absolu et la façon dissolue pour lui dont les années 30 montrent une France qu'il va falloir absolument reprendre en main et on connaît ensuite les actes de Brasillac. Absolument. Emmanuel Pirard, on ne se quitte pas ou juste pour 3 minutes et puis on se retrouve après le disque pour continuer à parler de Violette Nozière et de la société dans laquelle elle appartient aussi, le temps pendant lequel elle a vécu, car c'est important évidemment. Avez-vous pensez au poison pour se débarrasser de ce garçon, pour envoyer dans les oignons cet insupportable petit con. Avez-vous donc quelques notions de chimie, là est la question. Car pour une bonne potion, faudrait connaître les proportions. N'est pas empoisonneuse qui veut, non. Préparerait à 11h pour lui un bon bouillon d'11h qu'il enverra brouter les fleurs par la racine pour son malheur, pour ne pas éveiller de soupçons. votre poison. Les baies de ce simple buisson font merveille en extrême onction. N'est pas empoisonneuse qui veut, non, non. Quand le venin fera effet, dans ses veines ce sera insinué. Trois gouttes suffisent dans son thé pour l'envoyer en jet privé. Et vous serez enfin heureuse. Oui, vous serez enfin heureuse. Viendra fouiner, prenez soin de dissimuler, plaider la passion et pleurer. L'empoisonneuse est pardonnée, l'empoisonneuse est pardonnée. Emmanuel Pirard, nous nous retrouvons pour parler de Violette Nozière. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, écrivain et essayiste, que vous avez fait paraître Vous injuriez une innocente, l'affaire Grégory, suivi de Si Violette a menti, l'affaire Nozière. Dans le même livre, c'est un recueil de deux grands faits divers. Est-ce que celui-là, Violette Nozière, car c'est de lui dont nous parlons, porte en lui tout ce qui fait une tragédie moderne finalement? Je vois parricide, inceste, poison. C'est une tragédie moderne? C'est une tragédie extrêmement moderne. Puis il y a une héroïne, encore une fois, qui est belle, qui est intelligente, qui, parce qu'elle est intelligente, est soupçonnée d'être le mal absolu. Parce que une femme est avec un cerveau, c'est forcément dans le regard que porte la société, à l'époque, dans les années 30, mais qui continuera de porter pendant très longtemps, forcément une intrigante ou quelque chose de néfaste. Et l'idée même qu'une femme puisse être intelligente, belle, émancipée, semble en tant que telle, au-delà du meurtre, être quelque chose de dangereux, de sulfureux ou de néfaste ou de négatif pour la société. À l'époque, est-ce que c'est la l'affaire dont on parle dans les cafés, dans les familles? Alors vous n'y étiez pas évidemment, mais par rapport à vos recherches, est-ce que vous savez ça? C'est une affaire qui a eu un énorme retentissement. Énorme retentissement parce que, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, les intellectuels se sont emparés, mais au-delà de ça, tout le monde en a parlé. C'est une affaire qui arrive en 1933, lorsque le meurtre a lieu, le parricide, lorsqu'elle tue son père et puis qu'elle tente de tuer sa mère. Nous sommes, rappelons-le, tout le monde le sait, mais il faut toujours le dire, 3 ans avant le Front populaire, nous sommes avant les congés payés, nous sommes dans une société ouvrière dans laquelle on ne connaît pas d'autre issue, qu'autre destin que le travail et l'asservissement par le travail. Donc on est dans quelque chose qui sera très commenté sur la vie à laquelle aspire Violette Nozière. Parce que cette vie, c'est finalement sortir de la condition sociale qui lui est assignée, c'est s'affranchir des règles de l'ordre social, c'est connaître un monde meilleur, être une femme libérée, c'est tout ce qui est impossible avant l'arrivée du Front populaire ou de la libération des esprits, et puis plus tard du droit de vote des femmes. Donc il y a ça, il y a une condition sociale à laquelle on la renvoie, elle est en train de s'émanciper parce que l'école républicaine, le lycée Fénelon, dans lequel elle est rentrée parce qu'elle est douée et intelligente, mais qui n'est pas celui auquel elle aurait dû aller si elle avait été dans son quartier d'origine à Picpus dans le 12e. La carte scolaire. La carte scolaire, bien sûr, la carte scolaire, mais aussi la carte sociale. Ouais. C'est un lycée d'intellectuels, de grands bourgeois venant de sociétés raffinées, des gens qui possèdent des bibliothèques. Ça n'est pas du tout l'univers des parents de Violette Nozière. On a un petit employé, puis on a une ouvrière pour comme parent. Donc elle s'affranchit non seulement dans son mode de vie, mais aussi dans sa façon de penser, de faire des études, du modèle auquel, en théorie, elle est destinée. Elle n'est pas destinée à devenir une bachelière. Elle devrait être, selon la norme sociale et le regard qui sera porté sur elle, déjà une apprentie ouvrière. Donc, cette transgression de sa part, ce combat contre un déterminisme social sur lequel elle s'assoit, eh ben, on va lui faire payer. Et quand je lis une partie du réquisitoire, celle que vous publiez dans votre livre, je me dis qu'il y a un côté règlement de compte bourgeois, si j'ose dire. Voilà ce que dit l'avocat général, Louis Godel, d'une violence terrible. Il évoque, je cite là pour le coup, ce sont ces mots qui arrivent, l'insensibilité écœurante de l'accusée. Il demande à ce qu'elle ne soit pas considérée comme une héroïne, mais vue telle qu'elle est, c'est-à-dire menteuse, orgueilleuse, perverse, inventive, criminel, affirmant qu'il ne faut donc avoir aucune pitié, et là, il réclame la peine en cours à l'époque, c'est-à-dire la peine de mort. C'est la justice règle ses comptes quelque part, avec un ordre qui n'est pas un ordre bourgeois et qui est transgressif, c'est ça ? Et puis en n'oubliant pas que la justice refuse d'entendre ce qu'elle a dit et ce qu'ont cru les policiers très justement dès le début, qu'elle a été victime d'inceste. Si vous mettez de côté le fait qu'elle a été victime d'inceste, et si vous la regardez telle qu'elle se présente dans la cour d'assises, elle ne pleure pas, ses parents. Elle ne pleure pas son père, parce qu'on ne pleure pas son bourreau, parce qu'on ne pleure pas celui qui vous a violé depuis l'âge de 12 ans. Donc elle se présente comme une femme qui paraît froide, alors qu'on attend d'elle qu'elle pleure. On se refuse d'entendre qu'elle a été victime, donc elle est forcément en perte ou en deuil de son cher géniteur. Si on exclut le fait qu'il l'a abusé d'elle, qu'il l'a torturée, eh bien, on a devant soi, devant la cour d'assises, une femme qui paraît glaciale, intelligente, froide, manipulatrice. Donc elle prendra sur elle, dans la peine, dans le jugement, dans les 3 jours d'audience, c'est très peu, hein. Le procès est très rapide. 3 jours, ça veut dire qu'on refuse d'entendre les témoins. Ah, ça arrive 3 jours d'assises. Hein. 3 jours aux assises, pour une affaire aussi complexe et aussi importante, c'est très très rapide. Hein. C'est-à-dire qu'avec le 3e jour, ça sera des plaidoiries, des réquisitoires. Donc c'est à peine 2 journées pour entendre la police, écouter Violette Nozière, écouter sa mère qui vient à la barre, et puis éventuellement se faire une petite idée sur ce qu'elle a vécu. Mais on choisit d'écarter le débat, de le repousser, et donc de la juger comme une tueuse, en mettant de côté tout ce qu'elle a vécu et subi. Alors, elle n'a pas été exécutée ? Non. Et donc elle a sa vie a continué, notamment avec ce rapprochement avec sa mère. Quel chemin emprunte Violette Nozière dans la deuxième partie de cette vie, la partie post-crime ? D'abord, elle a un sort judiciaire particulier parce que son cas, néanmoins, a beaucoup fait réfléchir. Sur le moment, elle n'est pas prise en considération, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas entendue. Malgré tout, ce qu'elle dit... Ça laisse des traces, quoi. Ça laisse des traces. Ouais. Cette histoire d'inceste extrêmement douloureuse, ce crime abominable dont elle est la victime, finira par rentrer dans les esprits, y compris les plus conformistes et ceux qui ne veulent pas entendre. Et on finira par s'apercevoir que peut-être ce qu'elle disait dès le début et que les policiers ont cru était peut-être la véritable histoire. Et que derrière le crime pour lequel on l'a jugé, il y avait un autre crime pour lesquels son père, passé ad patres, est resté impuni, et surtout sa mère n'a pas été jugée. Ouais. Elle sera donc... Elle se rapproche de sa mère. Elle verra sa peine commuée. D'abord, il y a un recours en grâce qui sera fait par son avocat. Et puis, elle verra donc sa peine... non pas, elle ne sera pas totalement graciée, mais elle verra sa peine réduite, transformée de la peine de mort en travaux forcés. Des travaux forcés, ça passera à 12 ans de travaux forcés et non plus à la perpétuité. Et puis elle verra enfin son affaire rejugée, la réhabilitation par la cour d'assises de Rouen en 1963. Mais ça sera 3 ans avant sa mort. Et c'est une Violette Nozière qui évidemment a été éteinte, rayée de la carte de la vie, et qui sera une vieille dame totalement défaite, qui a épousé le fils d'un membre de l'administration pénitentiaire, un peu par défaut et pour améliorer son ordinaire, et qui ne sera plus du tout l'égérie des surréalistes qu'elle a été 35 ans auparavant. Dernière question, Emmanuel Pira. En discutant, je m'aperçois que le dossier était complexe, hein, finalement, à la fois techniquement et moralement. Est-ce que vous auriez aimé défendre Violette Nozière ? Allez, on part dans la fiction. Tous les avocats qui aiment les grandes affaires criminelles, les grands faits divers et en plus la littérature et le cinéma, aujourd'hui, après le film de Chabrol, Isabelle Huppert, Les Surréalistes, La Défense par André Breton, rêveraient d'avoir Violette Nozière comme cliente, évidemment. Et je pense qu'il n'y aurait pas grande difficulté à plaider mieux que n'avait fait son avocat, qui avait été un avocat choisi par défaut, oui, après les refus subis par les grands ténors du barreau, qui avaient considéré que c'était difficile de défendre cette jeune femme sans argent qui partait a priori pour l'échafaud. Autant vous dire, Emmanuel Pirac, à la question « Auriez-vous aimé défendre Violette J'ai Nozière ?» Votre, oui, votre réponse monsieur, ne m'étonne monsieur pas. Monsieur le Président. Votre réponse ne m'étonne pas. Merci, maître. Merci au à au vous, revoir. Fabrice Druel. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Violette et Germaine Nozière, Histoire d'un pardon. Une fiction écrite par Christelle Alves-Mera et Anne-Claire Jolin, réalisée par Pascal Deux. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Al Niro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Rémi Sistiaga et Julien Michel.